Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 163. Du péché du premier homme. Le premier péché du premier homme fut l'orgueil, ce que désirèrent nos premiers parents, gravité de leur péché, lequel fut le plus coupable d'Adam ou d'Ève. 1. L'orgueil fut-il le premier péché d'Adam? Le désordre moral est dans l'âme avant de passer aux actes extérieurs. On ne perd point, dit très bien saint Augustin, la pureté du corps tant que l'âme conserve sa sainteté. De plus, entièrement soumise à la raison, la chair du premier homme, dans l'état d'innocence, ne pouvait désirer aucun bien sensible d'une manière désordonnée. Double vérité d'où il faut tirer cette conclusion, que le premier dérèglement chez l'homme dut consister dans le désir d'un bien spirituel. Or, du moment que ce désir dépassait la mesure assignée par Dieu, il était un péché d'orgueil. L'orgueil fut donc le premier péché d'Adam. Note. Adam ne pouvait désobéir que dans un but quelconque, or ce qu'il chercha d'abord, ce fut sa propre excellence. La désobéissance fut la suite de son orgueil, comme le marque saint Augustin, qui dit à Orosius, « L'homme, enflé d'orgueil, céda aux suggestions du serpent et méprisa les ordres de Dieu. » La gourmandise eut aussi sa place dans le premier péché. La femme, dit l'Écriture, vit que le fruit était bon à manger, beau et agréable à l'œil. Elle en prit et elle en mangea. Néanmoins cette bonté et cette beauté ne furent pas le premier motif du péché, ce fut plutôt cette parole du serpent, « Vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Le péché de gourmandise, en un mot, ne vint qu'après l'orgueil, qui, s'emparant de l'esprit de nos premiers parents aussitôt après le conseil du serpent, les porta à croire ce qu'ils avaient entendu. 2. L'orgueil du premier homme consista-t-il à désirer d'être semblable à Dieu? Ce que désira le premier homme dans son orgueil, ce fut de ressembler à Dieu, non de la ressemblance de nature, mais quant à la science du bien et du mal, selon les suggestions du démon. Il voulait tout à la fois déterminer, par la vertu de sa propre nature, ce qui était bon à faire ou à éviter, et connaître le bien ou le mal qui devait lui arriver. Il pécha aussi en désirant de ressembler à Dieu dans le pouvoir d'obtenir la béatitude par lui-même. Il s'appuya, en un mot, sur ses propres forces, au mépris des ordres divins. 3. Le péché de nos premiers parents fut-il plus grave que les autres? Il y a dans les péchés deux sortes de gravité. L'une vient de l'espèce même du péché, l'autre tient aux circonstances de temps, de lieu ou de personne. Le péché de nos premiers parents ne fut pas, dans son espèce, plus grave que tous les autres. L'orgueil, à la vérité, a par lui-même une malice supérieure. Mais celui par lequel ils désirèrent d'une manière dérégler la ressemblance divine, n'était pas aussi coupable que l'orgueil qui nie ou blasphème Dieu. Toutefois, comme leur état était parfait, le péché qu'ils commirent, si l'on considère la condition de la personne qui pêche, était d'une très grande gravité. Nous pouvons donc dire que le péché de nos premiers parents fut le plus grave de tous relativement, mais non absolument parlant. Note. Nos premiers parents avaient une très grande facilité de ne pas pécher, rien en eux ne les portait au mal, c'est ce qui rendit leur faute inique. Fin de la note. 4. Le péché d'Adam fut-il plus grave que celui d'Ève? Du côté de la condition des personnes, Adam, qui était plus parfait, pécha plus grièvement qu'Ève. Du côté du gendre, le péché fut dans les deux un péché d'orgueil. Il est certain cependant que, dans l'ensemble, Ève fut plus coupable qu'Adam. D'abord son orgueil fut plus grand, ensuite elle pécha non seulement contre Dieu, mais contre le prochain. Adam ne succomba que par une sorte de bienveillance affectueuse, pour ne pas déplaire à sa compagne. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.